Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes donc sur Radio Campus et c'est l'émission Angle d'attaque. Aujourd'hui, donc, pour m'accompagner, Louis. Bonjour, Louis. Bonjour. René. Bonjour. Christian. Bonjour. Et un invité que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent, Jean Gadret. Faut-il encore vous présenter, professeur émérite à Lille 1 et auteur de nombreux ouvrages, dont un ouvrage sur les indicateurs de richesse. Et aujourd'hui, on va discuter de prospérité. On pourrait prendre le titre d'un livre, d'ailleurs, qu'on recommande aux auditeurs, Prospérité sans croissance, de Tim Jackson. Donc, on va parler de décroissance, de croissance et d'écologie. Voilà, je laisse peut-être la parole à René qui va introduire le débat. Oui, donc déjà une question. Ben, en deux mots, qu'est-ce que la croissance ? Comme ça directement. Bon, voilà, ben c'est, on peut donner deux réponses. Une réponse technique et puis une réponse compréhensible par tout le monde. La réponse technique est d'ailleurs pas très difficile à comprendre. Bon, la croissance, c'est celle d'une grandeur économique qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB, dont on entend beaucoup parler, mais sans que personne ne le définisse jamais, à la radio ou à la télé, ou pratiquement jamais. Et ce produit intérieur brut, c'est la somme de toutes les valeurs produites pendant une année dans une économie, par exemple l'économie française. On appelle ça les valeurs ajoutées. Et puis la croissance, c'est la croissance de ce produit intérieur brut d'une année sur l'autre, déduction faite de l'inflation. Ça, c'est la définition technique. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour comprendre ce que veut dire le mot croissance. La croissance, c'est produire plus, et en général, ça veut dire aussi consommer plus, autrement dit, et plus de quantité. La croissance, c'est plus de quantité produite et consommée. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour comprendre toute la suite. Mais on remarque maintenant que, passé un certain seuil, cette croissance, même si elle a été, je veux dire, utile pour le développement des sociétés, devient actuellement de plus en plus néfaste, notamment au niveau écologique, même au niveau du sentiment de bonheur, etc. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, alors oui, je crois qu'en effet, s'opposer à l'idéologie de la croissance à tout prix ne veut pas dire que dans les pays les plus pauvres, par exemple, il faudrait préconiser l'absence totale de croissance. Ce serait tout à fait stupide. Il y a des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits et qui peuvent l'être. En réalité, la question se pose surtout dans les pays riches. Commençons par un exemple. En termes de richesse économique par habitant, c'est-à-dire de produit intérieur brut par habitant, nous sommes aujourd'hui en France deux fois plus riches qu'en 1970. Et donc on peut se dire, c'est formidable, enfin, quel progrès. Simplement, quand on regarde d'un peu plus près, on se dit que par rapport à des objectifs de développement humain, d'émancipation, ou à des objectifs environnementaux, aujourd'hui les inquiétudes sont infiniment plus fortes, tous les sondages le montrent dans la population française, que ces inquiétudes n'étaient en 1970. Aujourd'hui, le chômage a explosé par rapport au niveau qu'il avait en 1970, qui était de l'ordre de 3%. Aujourd'hui, la pauvreté et les inégalités sont infiniment plus importantes qu'en 1970. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser très largement des seuils d'émissions de gaz à effet de serre que nous n'avions pas encore dépassés en 1970. Autrement dit, on est bel et bien dans une situation où, apparemment, nous sommes beaucoup plus riches. Apparemment, il y a eu beaucoup de progrès, et en fait, dans certains domaines, on peut dire que c'est vrai, mais globalement, il n'est pas du tout évident que nous nous portions mieux, que nous soyons plus prospères, si la prospérité ne veut pas dire la seule prospérité matérielle, mais l'émancipation, le fait d'être bien et de bien vivre dans une bonne société. Et donc, on est confronté à une idéologie qui nous dit que la croissance est nécessaire au progrès social, mais en réalité, si on prend du recul historique, c'est plutôt l'inverse dans les pays riches. Et le meilleur exemple, à mon avis, est celui des États-Unis. C'est, dans l'ensemble des pays développés, celui qui a le plus gros produit intérieur brut par habitant. Très nettement. C'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant des États-Unis, c'est à peu près 30 à 35% supérieur à celui de la France. C'est donc pas négligeable. Et donc on se dit que dans ce pays, ça doit être quand même formidable. Ils doivent être dans un état de prospérité fondamentalement meilleur que le nôtre. Or, en réalité, tous les indicateurs sociaux et tous les indicateurs écologiques sont bien moins bons que ceux de la France, qui ne sont pas formidables d'ailleurs, mais qui sont meilleurs. Notamment, par exemple, les indicateurs concernant l'éducation, la santé aux États-Unis, c'est assez déplorable. Alors, comparé à des États beaucoup plus pauvres. Les indicateurs d'éducation sont globalement moins bons que ceux d'en France, même si certaines des universités américaines sont considérées comme étant les meilleures du monde. Les indicateurs de santé sont absolument catastrophiques. L'espérance de vie est de 2 ans inférieure à celle de la France, qui est quand même considérable. Ce pays bat tous les records en matière de taux d'obésité. Ce pays bat tous les records du monde développé en termes de taux de pauvreté, en termes de violence, en termes de personnes emprisonnées. Et bien entendu, ces indicateurs écologiques sont également catastrophiques, beaucoup plus encore que ceux de la France. Voilà le genre de choses auxquelles il faut réfléchir quand on se dit « mais est-ce que la croissance nous apporte la prospérité ?» Si par prospérité, on veut dire, ce qui, en latin, ça vient de « prospero », c'est-à-dire avoir de l'espoir dans l'avenir. Si on estime qu'on vit dans une meilleure société qui est destinée à devenir meilleure, alors la réponse doit être négative. Il faut abandonner ce culte de la croissance à tout prix. Mais alors on pourrait se dire que tout va bien, puisque depuis plusieurs décennies maintenant, dans ces pays riches que tu évoques, on constate une baisse tendancielle de la croissance, et d'ailleurs une baisse tendancielle dont tu nous dis dans tes écrits qu'elle ne sera plus démentie. Oui, alors, en effet, la belle croissance à l'ancienne, celle que nous avons connue à l'époque des 30 Glorieuses, qui était de 5%, 6% par an, des taux qui font rêver aujourd'hui nos élites et notre oligarchie. Ces taux-là ne reviendront plus pour toute une série de raisons, mais parmi lesquelles il y a des raisons écologiques, c'est-à-dire que la croissance se heurte au mur de la raréfaction des ressources naturelles qui sont nécessaires pour faire de la croissance. Oui, Dire simplement, dans un monde limité, comme notre planète, une croissance infinie est impossible. Oui, alors c'était une bonne formule d'un grand économiste américain d'il y a quelques décennies qui s'appelle Kenneth Boulding, qui disait une croissance exponentielle infinie, croire qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini ne peut être le fait que d'un fou ou d'un économiste. Ça peut être les deux d'ailleurs dans certains cas, et c'est tout à fait vrai, on se heurte à des limites, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut se dire que la croissance n'apporte pas ce que la plupart des gens souhaitent, c'est-à-dire une meilleure vie dans une meilleure société. Indépendamment même des ressources, de la raréfaction des ressources naturelles, la question se pose. Faisons un calcul très simple. Une croissance de 2% par an, tous les ans, d'ici 2100, signifierait que nous produisons et que nous consommons 5 fois plus de choses, de biens, de services, etc. Franchement, dans un pays qui est déjà très riche, où on croule, où beaucoup de gens croulent sous les objets, pas tous, ça, c'est aussi la grande question. Que peut signifier disposer de 5 fois plus de biens et de services? Quand arrête-t-on cette course folle? Est-ce que les jouets que l'on va offrir à nos enfants à Noël devront être 5 fois plus nombreux que ceux que l'on offre aujourd'hui, qui dans beaucoup de cas, pas tous, sont déjà multiples et probablement excessifs? Donc, la question philosophique se pose, mais quand arrête-t-on cette course folle toujours plus pour viser le mieux tout simplement. Le mieux vivre, la qualité de vie, un meilleur environnement. Et c'est là que se pose la question de la prospérité sans croissance. Donc, pour la définir, il faudrait certainement d'autres indicateurs que, que la croissance du PIB. Oui, alors la question des indicateurs n'est pas la première des questions. En fait, la première des questions, c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour nous ? Quels sont les... Oui, René ? Autrement dit, c'est un changement, j'irais, profond, profond de mentalité, un changement de paradigme qu'il faut envisager oui, maintenant si, pour si, nos si sociétés. Si on appelle paradigme un mode de pensée et d'action, c'est bien ça. C'est au fond, si on cherche des indicateurs pertinents pour le mieux vivre dans une société soutenable, alors il faut commencer par se dire quelles sont les finalités que nous voulons poursuivre. Qu'est-ce qui compte le plus ? Et après, on pourra dire, comptons ce qui compte le plus. Comptons en termes d'indicateurs, ce qui compte le plus en termes de valeurs. Voilà le genre de choses qu'il faut faire. Et alors, bien entendu, il y a des initiatives très intéressantes dans ce domaine. Je ne sais pas, il n'en a pas déjà été un peu question dans une de vos émissions à Radio Campus, oui, il me semble. Ah oui. Voilà. Bon. Donc là, Vous avez eu la chance d'avoir une vraie spécialiste de ces questions, encore en activité, encore en pleine recherche. Mais au fond, quand on fait des débats publics ou des conférences de citoyens, comme cela s'est déjà fait autour de ces questions, on s'aperçoit qu'assez vite, la très grande majorité des gens disent « Bah oui, mais ce qui compte au fond, c'est est-ce qu'on vit en bonne santé ?» Pas forcément d'ailleurs le plus vieux possible, mais en bon état de fonctionnement, en bonne santé. Est-ce qu'on reçoit une éducation qui nous permet de maîtriser des savoirs utiles dans la vie et dans la société ? Est-ce que notre environnement est vivable et que pourrait-on faire pour en revenir à une pression sur l'environnement qui soit acceptable par la nature elle-même ? Voilà le genre de question. Est-ce que nous vivons dans des sociétés démocratiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du lien social, de la discussion, du débat démocratique avant les prises de décision ? La grande majorité des gens considèrent que ce sont des finalités essentielles, voire des biens premiers, on pourrait dire, ou des biens communs. Et à partir de là, on peut en effet envisager, il en existe, d'excellents indicateurs qui nous... Est-ce qu'au fond, le produit intérieur brut est, comme le disent certains, dont Patrick Vivray, un thermomètre qui rend malade ? Ou, comme le disent d'autres, une boussole qui nous conduit dans le mur, une mauvaise boussole. Mais des boussoles adaptées à des finalités humaines, sociales et écologiques délibérées, mises en délibération, cela existe déjà. Et il faudrait pouvoir en faire des critères de décision publique et de décision privée. Oui, moi j'entends parfaitement ce que tu dis, Jean. Et je pense qu'effectivement, je connais des gens qui pensent comme ça. Mais j'ai l'impression que les politiques sont sourds sur ces questions-là. Enfin, on ne peut parler d'emploi que s'il y a de la croissance. Il faut 1,5 point de croissance. On est quelquefois loin du compte. Et on n'y arrive pas sur ces questions-là. Est-ce qu'ils sont sourds, aveugles ou ils font quoi là ? Parce que on n'entend pas un politique dire... Je n'ai pas encore entendu un politique dire ce que tu viens de dire sur ben, les gens pensent ça. Et ben moi, homme politique, je pourrais penser ça aussi, je pourrais le faire, quoi. Oui, enfin, on peut dire une majorité une partie croissante de la population pense ça, mais est-ce que c'est vraiment la majorité ? Est-ce que les gens ne sont pas toujours conditionnés par ce même discours ? Il faut de la croissance pour avoir de l'emploi, pour financer vos retraites, pour payer la dette maintenant, etc. Donc comment faire comprendre à la majorité de la population qu'on est sur une fausse route ? Que ces postulats sont faux, c'est ça. Louis. Si je puis poursuivre le propos, je pense que c'est important de souligner ce que tu viens précisément de souligner, Jean. Ce n'est pas tellement une question d'ordre économique, c'est philosophique en fait. Oui. On en discutait avant l'émission. On vit aussi dans une société qui ne permet pas cela parce qu'elle cultive le narcissisme, le fait d'exister à travers l'acquisition de biens. On n'achète pas seulement des biens, on achète aussi des moyens d'exister aux yeux des autres, d'avoir une plus grosse bagnole que son voisin, ce genre de choses. On a une société qui cultive l'individu en tant que tel. Donc c'est quand on parle de paradigme ou de changement d'ordre philosophique, c'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça que, je pense, c'est effroyablement difficile. Alors, je vais essayer de répondre comme je peux, à la fois aux questions, objections et remarques de Christian, de René et de Louis. Bon, d'abord, Christian dit, j'ai pas entendu d'homme politique, en tout cas peut-être au pouvoir, défendre des idées de ce type. Alors, malgré tout, et même si par certains égards, on peut rester pessimiste, il y a des signes. On est en pleine campagne électorale, présidentielle, législative, etc. Et quand on regarde de près les programmes de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, associé à Yannick Jadot et de quelques autres, la relativisation de l'objectif de croissance à tout prix y est. Les finalités humaines et écologiques s'y trouvent. Beaucoup plus qu'il y a 10, 15 ou 20 ans du côté de la gauche. Autrement dit, on a bien assisté quand même à un recul de ce qu'on pourrait appeler le vieux productivisme de gauche, pro-croissance, qui est encore présent. Mais voilà, donc ça évolue et je pense que l'action des associations, de la société civile, des ONG, n'y est pas pour rien, plus certaines formes de prise de conscience individuelle. Deuxièmement, René dit... oui, mais enfin, les gens sont quand même encore... Même si, quand ils délibèrent sur les finalités d'une bonne société, ils peuvent se mettre d'accord sur des choses proches de celles que je défends, dans leur vie quotidienne, ils sont pris dans l'engrenage du consumérisme, du productivisme, de l'individualisme, etc. Il y aurait donc une sorte de schizophrénie. Bon, alors, moi, je pense qu'on peut réfléchir à ça en se disant c'est pas... sans culpabiliser les gens qui sont nos proches, qui sont les gens qu'on rencontre dans la rue, dans les magasins, nos amis. Bon. La croissance est en effet présentée à tout le monde comme un bien commun qui surplomberait tout le reste. Elle serait nécessaire pour qu'il y ait du progrès social, voire même, comme le disent certains, pour résoudre les problèmes de l'environnement et du climat. Il nous faudrait de la croissance, plus de croissance, pour pouvoir combattre le réchauffement climatique. Il y en a qui disent ça. Je crois même que c'est Laurence Parisot à qui on doit cette formule. Un peu de croissance, une faible croissance nue à l'environnement, une forte croissance pourrait le préserver. Bon, donc on est dans cet environnement un peu schizophrène, mais moi je pense qu'il ne faut pas s'en prendre aux gens qui subissent ce choc médiatique, cet environnement médiatique, il faut s'en prendre aux dealers de croissance. C'est une sorte d'addiction. On est confronté à une sorte d'addiction à la consommation, au toujours plus. Mais cette addiction, elle est provoquée par des dealers de croissance, elle est provoquée par des dispositifs institutionnels très puissants et très coûteux, que sont la publicité, le marketing d'un côté, le crédit à la consommation de l'autre, qui sont d'énormes vecteurs, d'énormes dealers de croissance inventés par l'oligarchie, inventés par les multinationales, inventés par les dominants du capitalisme financier d'aujourd'hui. La publicité dans le monde aujourd'hui, c'est 500 milliards de dollars par an. C'est 5 fois plus que ce que les Nations Unies demandaient pour pouvoir atteindre leurs objectifs du millénaire, diviser de beaucoup la pauvreté dans le monde, etc. Objectifs qui n'ont pas été atteints. Le crédit à la consommation, c'est une arme de destruction massive de la société et des gens. C'est-à-dire, c'est en grande partie à lui qu'on doit la crise des subprimes, c'est-à-dire des millions de gens à la rue. Donc on est là face à une situation où il faut s'en prendre aux dealers de croissance, c'est-à-dire à l'oligarchie des multinationales et de la finance, si l'on veut pouvoir avancer sur la question de la bataille idéologique vis-à-vis des gens. Il faut mener les deux de front. Autre exemple, moi je constate quand même, comme vous, je suppose, que depuis 20 ans, 15-20 ans, les thèmes de l'écologie, les thèmes de la santé environnementale, les thèmes, l'intérêt pour une alimentation plus saine, voire biologique, l'intérêt pour des circuits courts, etc., s'est fortement développé. Et que les thèmes de l'écologie, qui étaient auparavant plus ou moins l'affaire des partis ou des associations écolos, est devenu l'affaire de beaucoup de partis en particulier à gauche, mais commençant même à travailler une partie de la droite. Donc, la présence de Nicolas Hulot dans le gouvernement. Oui, alors ça, c'est une question qui est compliquée. Du greenwashing. Oui. Justement, à propos, certains voient dans la croissance verte ou dans l'économie matérielle, comme on dit, un moyen de concilier la poursuite de la croissance et la préservation des écosystèmes. Alors, est-ce que c'est une vraie ou plutôt une fausse solution, et pour quelle raison? Alors, pour ceux qui ont toujours défendu, pour ceux qui sont les idéologues de la croissance, ou convaincus eux-mêmes d'ailleurs, dans la plupart des cas, ce ne sont pas seulement des gens qui mentent, ce sont des gens qui ont intégré dans leur système cognitif l'idée que la croissance était nécessaire. Je veux dire, ils y croient, c'est une croyance, la croissance est aussi une croyance. Pour cela, qui voient monter les exigences écologiques, qui se rendent compte quand même qu'il y a des problèmes, qui, parce qu'ils sont parents ou grands-parents, ont des enfants et des petits-enfants, et se disent « oui, mais quand même, l'avenir qui voient les rapports du GIEC. » Bon, pour ces gens-là, la tentation est grande de se dire « eh bien voilà, on va continuer à préconiser la croissance, mais on va la verdir. » C'est-à-dire qu'on va produire de plus en plus de choses qui seraient compatibles avec la réduction de notre pression sur l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et comment y parvenir? Grâce à des innovations scientifiques qui vont être formidables. Et il est évident que la croissance verte est un mythe scientiste, une mythologie scientiste fondée sur l'attente de découvertes merveilleuses qui vont nous permettre, par exemple, de récupérer le carbone dans l'atmosphère, qui vont nous permettre de dépolluer partout dans le monde. Bien sûr, ces technologies n'existent pas. Bien sûr, elles sont largement fantasmées, mais c'est le fonds de commerce dominant. Or, un certain nombre de constats doivent permettre de contrer cette idée d'une croissance qui pourrait se poursuivre en devenant compatible avec les exigences environnementales. Pour pouvoir contrer autant que possible le réchauffement climatique, c'est-à-dire rester au cours de ce siècle sous le seuil des 2 degrés d'augmentation par rapport à la période pré-industrielle, ce qui va déjà produire des dégâts, et ce qui en produit d'ailleurs déjà. Il faudrait, dans les pays riches, diviser par 5 au moins nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, et très vite ensuite aboutir à des émissions nettes nulles. Je ne vais pas développer ce point, mais c'est-à-dire ce qu'on émet devrait être compensé par ce que la nature et d'autres dispositifs peuvent capturer, recycler. Bon, diviser par 5 nos émissions, c'est 3 ou 4 fois plus ambitieux que ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. Or, la croissance est très nettement corrélé à la croissance des émissions. Autrement dit, la croissance verte, ça revient, si je prends l'exemple du climat, à appuyer sur l'accélérateur d'émissions au moment où il faut freiner très fort. Et il n'est jamais recommandé d'appuyer à la fois sur l'accélérateur et sur le frein. On a là quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, encore une fois, de la croyance mythique dans une science qui va résoudre les problèmes auxquels on est confronté, alors que des solutions existent. Mais ce ne sont pas celles fondées sur la croissance. Mmh. Et justement, donc, pour en venir à cette société sans croissance ou post-croissance, quels seraient les moyens ou les étapes pour y parvenir, et surtout, comment la rendre souhaitable, désirable auprès du public? Alors, vous avez peut-être d'autres... Non, ça va, moi, je vais me lancer là-dessus. Oui, vas-y, Louis. Des questions similaires. Moi, je pense que le fait de rendre la chose désirable est absolument essentiel, parce que là, on souligne que la croissance n'est pas la solution, que la croissance verte ne l'est pas non plus. Je pense qu'il est vraiment essentiel de faire comprendre aux gens que ce qu'on leur propose, ça n'est pas de se résoudre à une régression sociale au nom de l'écologie. C'est de comprendre... ce qu'était ton propos introductif, en fait, en comparant deux époques, et en se disant, est-on 5 fois plus heureux qu'il y a 30 ans? Parce qu'on est 5 fois plus riche. Il faut se poser la question dans ces termes-là. On est deux fois plus riche, oui, économiquement parlant, mais étant deux fois plus heureux, en effet. Alors, je voulais savoir, il y a la transition nécessaire pour aller dans la société post-croissance dont vient de parler René. Est-ce qu'elle peut être démocratique, tout simplement ? D'accord. Alors, d'abord, moi je suis 100% d'accord avec cette idée que la première des questions à se poser quand on est un citoyen engagé, un militant, et éventuellement pour d'autres, un responsable politique, si l'on est convaincu qu'il faut rechercher les voies d'une société post-croissance compatible avec les exigences environnementales et suffisamment inclusive, j'aime pas trop le terme, mais correspondant à l'idée qu'on se fait d'une bonne société avec peu d'inégalités, alors la question prioritaire qu'il faut traiter, c'est comment faire en sorte que ce projet puisse être approprié par les gens, de telle sorte qu'alors la démocratie pourra jouer, comment faire en sorte que ce projet devienne désirable et suffisamment désirable pour que les gens se disent « mais c'est ça qu'il faut faire ». Il ne suffit pas de s'opposer, même si c'est absolument nécessaire dans les circonstances actuelles comme souvent dans le passé. Il faut aussi proposer des choses qui peuvent emballer, qui peuvent être désirées. Et moi, je pense que pour ça, il faut absolument s'opposer à toute idée associant la post-croissance ou la décroissance ou peu importe le terme, à une austérité punitive. Mmh. On est sûr à ce moment-là de perdre et on est sûr à ce moment-là qu'on ne pourra pas faire fonctionner la démocratie parce que, d'une certaine façon, cette austérité punitive, elle ne peut être qu'imposée. Or, comment rendre désirable un projet alternatif de prospérité sans croissance, pour reprendre le titre du livre de Tim Jackson qui a fait le tour du monde ? Eh bien, il faut montrer que cette trajectoire, cette société, ce projet comporte certes la réduction d'un certain nombre de consommations ostentatoires, la réduction d'un certain nombre de déplacements motorisés qui polluent et émettent des gaz à effet de serre dans des proportions considérables. Suppose aussi qu'on ne change pas d'ordinateur tous les deux ans ou de téléphone portable tous les six mois. Suppose certes qu'on mette fin à la publicité tous azimuts qui est un pouce à l'achat, qui ne se préoccupe absolument pas de besoins réfléchis, délibérés, mais qui est un pouce à l'achat et écologiquement du coup un pouce au crime. Donc il y a certes des moins, mais il y a des plus. Il y a des plus et des mieux en très grand nombre. Et là, j'en ai listé quelques-uns, mais on peut en rajouter beaucoup. Plus d'activités où l'on prend soin des gens et de la nature, et donc plus d'emplois correspondants. J'aimerais bien que si on a un petit moment à la fin, on puisse consacrer 2-3 minutes à la question de l'emploi, parce que justement, c'est un enjeu énorme. Parce que je pense que dans les plus, il y a aussi plus d'emplois ayant du sens, d'emplois de bonne qualité ayant du sens, plus de logements sociaux de qualité consommant très peu d'énergie, plus de biens qui durent plus longtemps, qu'on peut réparer, recycler, rénover, etc. Plus d'alimentation saine, et ça c'est un thème qui est très très porteur dans beaucoup de milieux, parce que les dégâts sur la santé des pesticides, de toute une série de modes de production désastreux pour l'environnement sont énormes. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que cet après-midi à 14h30, à la Grand Place de Lille, débute une marche contre Monsanto, qui est une manifestation mondiale annuelle. On est là typiquement dans une exigence sociale, environnementale, humaine et de santé. Plus de temps libre choisi et plus de relations sociales, amicales, familiales, etc. contre la dépersonnalisation de la vie sociale actuelle. Plus d'air pur dans les villes, et ça, Dieu sait que les gens y sont devenus sensibles avec les pollutions urbaines à répétition et qui, pour l'instant, n'ont pas de solution. Les maladies qui vont avec, de qualité des eaux. Plus d'espaces naturels reconquis et de biodiversité. Plus de sens du travail. Parce qu'après tout, quand on interroge des agriculteurs qui sont passés au bio après avoir été des agriculteurs conventionnels, dans presque tous les cas, ils nous disent que le travail a pour eux beaucoup plus de sens. Ils voient au fond un peu il se rallie à des objectifs de société et de bien commun. Et puis, plus de démocratie et de participation citoyenne. Et ça me fait rejoindre la remarque de Christian. La transition écologique et sociale, à mon avis, sera démocratique ou ne sera pas. Parce que si elle est imposée de façon... Alors, certains parlent de Khmer vert, de pastèque. Voilà. Alors elle se heurtera à des oppositions énormes et elle pourra même faire le jeu de l'extrême droite, pour ne pas citer de nom précis, qui mobilisera des troupes contre ce genre de projet. Donc on est là dans une situation... Ça peut se discuter. Peut se discuter. On peut aussi, dans la démocratie, c'est aussi la dictature de l'opinion. C'est-à-dire que si demain on interdit, par exemple, aux 4x4 de rouler, est-ce que finalement le lecteur qui vote avec ses pieds pourrait effectivement tout simplement reconduire... Évidemment. Ne pas reconduire plutôt la majorité. Oui, je comprends bien ton objection. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une espèce de croyance, comme il y a une croyance dans la croissance, est-ce qu'il n'y a pas une croyance, alors je fais un peu l'avocat du diable, croyance dans les vertus démocratiques, fort d'une forme de naïveté, si je puis me permettre, par rapport à ça, effectivement. Est-ce que, peut être naïf à 73 ans. Je fais l'avocat du diable. Voilà. C'est tout à fait vrai. Simplement, tu as tout à fait raison de te faire l'avocat du diable, parce que c'est une vraie question. Mais dans ta vraie question, il y a plus ou moins une forme d'assimilation de la démocratie au vote ou au référendum. Si on veut que la démocratie fonctionne sur ces questions-là, il faut une démocratie vivante, il faut des conférences de citoyens où les gens délibèrent. S'il n'y a pas de délibération, si on vote sur des instincts ou des impressions ou fonction d'ailleurs de l'environnement médiatique qui est le nôtre, alors effectivement, on peut avoir de mauvaises surprises. Mais moi, je suis relativement confiant parce que j'ai participé à des expériences de délibération de ce type, parce que des conférences de citoyens, en particulier tirées au sort, c'était quand même, une expérience tout à fait intéressante où... je ne dirais pas que le consensus se forme, c'est pas le terme de consensus, mais où les avis qui sont émis par le groupe sont des avis argumentés, éclairés, ayant pris le temps de la réflexion sur plusieurs jours, etc. Et j'ai jamais été déçu par ce genre de dispositif, qui n'est pas le seul dispositif de démocratie citoyenne authentiquement participative. Donc la démocratie, à la fois, je fais le pari que elle fera des choix qui sont conformes au bien commun. Et puis, la deuxième solution, c'est que je ne vois pas d'alternative qui puisse me satisfaire. Donc, justement. Oui, justement, alors, dans ce type de société, est-ce que les initiatives citoyennes locales, comme les AMAP, les SEL, etc., ou l'économie sociale et solidaire, auront un rôle primordial à jouer ? La réponse est oui, mais pas le seul rôle. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure que les idées, les mentalités, un certain nombre de choses avaient bougé depuis 10, 15 ou 20 ans. Sous l'effet de qui ? Des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, des grandes institutions, dans presque tous les cas, ce sont des associations, des ONG, des mouvements citoyens qui ont, entre autres attaques, qui ont fait bouger les choses. Alors lentement, trop lentement à notre goût, avec des échecs, c'est évident. Mais si, dans certains cas, les choses ont bougé dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des propositions que je fais, c'est essentiellement à la mobilisation de la société civile qu'on le doit. Et si un jour Monsanto voit des obstacles très forts sur sa route, ce sera aussi lié aux mobilisations mondiales comme celles que l'on connaît aujourd'hui, les marches contre Monsanto dans le monde entier. Mais autant ces initiatives... Alors, je pourrais citer... Le principal motif d'espoir aujourd'hui, il n'est pas dans la politique d'en haut, même s'il faut s'en occuper. Le principal motif d'espoir, il est dans ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans des initiatives locales, associatives, coopératives, etc. Je cite le bouquin de Bénédicte Magnier, « Un million de révolutions tranquilles ». Je peux citer le livre beaucoup plus récent de Reporters d'espoir qui s'appelle « La France des solutions ». Je peux citer une brochure de 90 pages du collectif des associations citoyennes dont j'ai oublié le titre, mais bon, « L'écologie au quotidien » qui recense sur un certain nombre de territoires, des choses formidables qui se font. Donc ça, c'est un motif d'espoir et je dirais que ces initiatives sont, si je puis dire, en pleine croissance. Mais elles se heurtent malgré tout à une oligarchie qui conserve l'essentiel du pouvoir. Et donc, on a besoin de relais politiques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se battent pour une 6e République. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se battent pour des projets alternatifs politiques. On a besoin de projets politiques au plus haut niveau, national, européen, mondial. Et on ne peut pas tout attendre. Le réchauffement climatique, il est essentiel que des associations, des ONG, des villes en transition, des municipalités s'y collent. Parce que ça donne l'exemple. Ça fournit des idées à d'autres. Mais on ne pourra pas résoudre cet énorme problème du réchauffement climatique sans des accords internationaux contraignants, qu'il faut donc que la société civile ait elle aussi en charge de pousser, hein, mais qui ne repose pas seulement sur des solutions qui marchent localement. Je voudrais, puisqu'il nous reste assez peu de temps, dire à quel point il me semble important pour convaincre nos concitoyens que une prospérité sans croissance est possible, à quel point il est important de mettre la question de l'emploi aussi parmi les grands enjeux. Voilà. Parce qu'on va nous dire, et on nous dit tous les jours, arrêtez vos bêtises, sans croissance, on ne va pas créer d'emploi. Voilà le discours dominant. Et même, si on n'a qu'une trop faible croissance, on ne va pas en créer. Donc il nous faut une croissance quand même assez forte, 1,5, 2% au moins, sinon on ne va pas créer d'emploi. C'est radicalement faux. C'est radicalement faux. On peut créer beaucoup d'emplois utiles, ayant du sens. Il ne s'agit pas de créer de l'emploi pour l'emploi, des petits boulots. Dans une perspective qui n'exige pas qu'on poursuive l'objectif de croissance. Et de ce point de vue-là, moi j'apprécie beaucoup ce qui a été fait récemment par une vingtaine d'associations sur une plateforme qui s'appelle emploi-climat.fr. Que tout le monde peut consulter, 1 million d'emplois pour le climat. Il y a du monde hein, là-dedans. Il y a Greenpeace, la LDH, il y a des syndicats, il y a ATTAC, il y a Alternativa, Solidaire, FSU, les Amis de la Terre, etc. Donc il y a du beau monde. Et ces gens se sont mis ensemble avec quelques économistes, mais pas trop, parce qu'il n'en faut pas trop pour que ça marche, pour que ça porte un vrai projet, je veux dire, c'est ça. En se disant, il est temps qu'on montre que notre projet écologique et social serait bon pour l'emploi. Alors, un exemple, l'agriculture. Supposons qu'on passe, pas tout de suite, mais par étapes, de l'agriculture industrielle, productiviste, chimique d'aujourd'hui, à une agriculture de plus en plus biologique, agroécologique, etc. Et en même temps, plus savante. Et en même temps, exigeant des innovations, absolument. Voilà. Des innovations qu'on a tardé. Et des connaissances précises des cycles écologiques. Voilà. Bon, donc, pour produire les mêmes quantités de fruits, de légumes, de céréales, etc., les mêmes quantités, mais d'une toute autre qualité, on est là dans une logique de montée en qualité et en soutenabilité, il faudrait au moins 30% d'emplois en plus. Et ça s'applique à des tas de domaines. Donc, ce qui suppose que ces emplois soient aussi désirables. Le minimum. Oui, voilà, il faut qu'ils aient du sens et qu'ils aient un statut convenable et qu'on puisse en vivre décemment. On n'est pas dans la logique du petit boulot, mais du travail collectivement et individuellement utile, ayant du sens collectif et individuel. Et je vous invite, donc, puisqu'il nous reste peu de temps, à consulter sur cette plateforme emploi-climat.fr le bilan, parce que ça s'appelle 1 million d'emplois pour le climat, mais en fait, c'est des gens malins, conscients des problèmes et qui se sont dit, bon, c'est pas seulement pour le climat. L'autre transition, elle doit être écologique et sociale. Il faut aussi des emplois dans des domaines répondant à des besoins sociaux aujourd'hui très mal couverts. Je pense aux personnes âgées, à la petite enfance, etc. Donc, ça figure aussi là. Et on s'aperçoit que, certes, des emplois seraient supprimés dans un certain nombre de secteurs, disons entre guillemets pollueurs, mais ceux qui seraient créés pour répondre à d'authentiques besoins dans les domaines de la transition écologique et sociale dépasseraient de 1 million en quelques années ceux qui seraient supprimés. Donc on est là dans un type de projet qui rend désirable l'alternative, non seulement pour des tas de raisons qu'on a évoquées ici, mais aussi pour l'emploi. Entendu, je dirais que prospérité sans croissance n'est que ruine de l'accumulation du capital, par exemple. Alors, on peut dire ça parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les dealers de croissance sont liés au grand capitalisme financier. Qui est incompatible avec une société post-croissance. On ne voit pas trop comment faire pour les rendre compatibles. Oui. Merci Jean. Merci. Merci. Merci. Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, Total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Yes, we can. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire. Où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas à nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien, faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever, un seul objectif en tête. Faisons l'amour à la terre, des tonnes de pétrole dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, faire le mur à terre, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien, faisons pas les choses à moitié. Niquons la planète, vu que de façon on va tous crever. Niquons la planète, un seul objectif en tête. Niquons la planète, niquons la planète, parce que c'est ma raison d'être. C'était HK et les Saltimbanques, niquons la planète. Un coup de gueule. Et vous êtes toujours sur l'émission Angle d'Attaque et on va écouter Louis qui a un coup de gueule à exprimer. Oui, un bref coup de gueule à l'endroit de celles et ceux qui, entre les deux tours de l'échéance présidentielle, ont cru bon d'injurier celles et ceux qui avaient fait le choix à gauche, je le précise, à gauche, de s'abstenir ou de voter blanc ou nul. Je le dis en un instant, je pense qu'il est important de réaliser qu'un score électoral peut se lire de deux façons, en valeur absolue et en valeur relative. Une valeur absolue, c'est une donnée chiffrée qui s'exprime en unité, donc ici des suffrages exprimés. Une valeur relative, c'est un pourcentage. Par exemple, pour illustrer ça, au soir du second tour, la candidate d'extrême droite obtient 10 600 000 votes, donc en valeur absolue, et en valeur relative, 33,9% des suffrages exprimés. Ces appels à aller voter ont été absolument incessants et ont souvent rimé avec des amalgames assez indignes et étaient soi-disant motivés par le fait d'amoindrir le score de la candidate d'extrême droite, sauf que il ne s'agissait absolument pas d'amoindrir le score de l'extrême droite, mais de l'amoindrir en valeur relative, c'est-à-dire en trompe-l'œil, en pourcentage, parce que quel qu'ait été le nombre de personnes allant voter pour le candidat depuis élu, il n'en serait pas moins demeuré que 10 600 000 personnes, quel que soit le pourcentage que ça représente, 10 millions, il faut s'y résoudre. 10 600 000 personnes ont voté en faveur de l'extrême droite. Et je le précise, pour que les amalgames ne perdurent pas, c'est une catastrophe. Mais c'est un trompe-l'œil, le pourcentage. Et vouloir amoindrir le trompe-l'œil, c'est demeurer dans cette même logique. Ces gens existent et ce chiffre-là, il n'a rien d'aléatoire. Il faut se poser les bonnes questions. C'est absolument essentiel. Un pourcentage, ça ne signifie rien. 10 600 000 personnes ont voté pour l'extrême droite et c'est une catastrophe. Et ça fait un quart de la population inscrite. Absolument. Et il y a aussi, je pense que c'est important de préciser que c'est l'un des tours de rhétorique les plus éculés du discours dominant que de balayer d'un revers de la main ces millions de personnes comme s'il n'était que l'expression politique primaire d'un ras-le-bol épidermique et strictement xénophobe. Il y a du racisme, il y a en tout état de cause de la xénophobie, mais ces électeurs-là, on les a vus aussi toutes et tous pendant l'entre-deux-tours sur le parking de Whirlpool. Ça fait des années que des publications nous enseignent que la géographie du vote d'extrême droite se calque presque point par point sur la géographie de la précarité. Donc, plutôt que de le contenir, essayons de le faire reculer, ce vote. On passe aux actualités d'attaque. Au plan national, eh bien, justement, la transition écologique, une solution au problème de chômage et de précarité, ben Jean Gadret vient de nous en parler. Et moi-même, je vous avais cité le rapport 1 million d'emplois pour le climat dont Attac était co-signataire dans une émission précédente. Donc, eh bien là, la plateforme Emploi Climat, dont Attac est membre, bien sûr, a saisi l'opportunité de la campagne présidentielle pour rappeler la nécessité de la transition écologique pour l'emploi et contre la précarité. C'est sous la forme d'une proposition de débat public, au débat public. Alors, pour créer 1 million d'emplois dans les secteurs de la transition écologique d'ici 2020, il est indispensable de réorienter les investissements publics et privés qui financent aujourd'hui la pollution vers des activités en lien avec la transition écologique, de renforcer l'action territoriale pour mettre en œuvre les politiques de la transition écologique et accompagner les citoyens dans ce processus. Et enfin, il faudra veiller à une reconversion anticipée des salariés des secteurs fragilisés par cette réorientation. Ensuite, à propos des accords commerciaux, la Cour de justice de l'Union européenne désavoue la Commission. Pour rappel, la Cour de justice avait été saisie à propos de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour, conclu en 2013. Ces accords relèvent-ils de la compétence exclusive de l'Union européenne ou de la compétence partagée ? Donc le 16 mai dernier, la Cour a tranché. Le commerce est certes une compétence exclusive de l'Union européenne, mais l'inclusion de dispositions spécifiques sur l'investissement en fait des accords de compétences partagées. En clair, la Commission européenne n'est pas légitime pour négocier ces accords seule, au nom des États membres. Elle est désavouée dans sa volonté de confisquer le commerce international, d'empêcher l'implication des États membres et l'instauration d'un vrai débat démocratique. Et c'est le second désaveu essuyé par la Commission européenne cette semaine, parce que le 10 mai, le tribunal de l'Union européenne a invalidé la décision de la Commission qui avait refusé d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne européenne, la fameuse ICE, je pense que vous vous souvenez, signée, qui avait été signée ensuite par plus de 3 millions de personnes en Europe, demandant là d'arrêter les négociations du TAFTA et du CETA. Cette décision renforce encore notre légitimité à exiger le rejet du CETA dont les négociations ont été menées sans même avoir la certitude de leur légalité. Nous avons ainsi l'occasion historique de le stopper en France. Nous appelons désormais les citoyens et citoyennes à signer et à faire signer massivement l'initiative Stop CETA contre la ratification de cet accord. Et également, en accentuant la pression sur nos futurs parlementaires, nous les encourageons à prendre position avant leur élection. Donc, ce qui m'amène à parler justement de la campagne, alors bon, d'abord la pétition dont je viens de vous parler. Vous pouvez la trouver sur le site d'Attaque France du collectif national Stop TAFTA et aussi sur le site d'autres organisations comme la Confédération Paysanne, le collectif Roosevelt, etc. Le plus pratique toutefois étant peut-être d'utiliser l'adresse du site de l'initiative www.stop-du6ceta.org. Un détail, cette pétition est ouverte aux individus et aux organisations avec une fenêtre spécifique. Songez donc à sélectionner la bonne fenêtre, citoyen ou représentant d'organisation. Bon, mais sur le site, c'est assez explicite. Enfin, pour l'interpellation des candidats aux prochaines législatives, les candidats sont invités à faire connaître leur position par les initiateurs de la campagne, mais vous-même, en tant que citoyen ou citoyenne, si vous connaissez leurs coordonnées, vous pouvez interpeller les candidats de votre circonscription en leur envoyant le formulaire à remplir accompagné, c'est mieux quand même, d'une lettre explicative, soit par courrier, soit par email. Ce formulaire est disponible sur le site d'Attaque France ou sur le site www.législative-du6ceta.fr. Contre le CETA, on ne lâchera pas. Donc, et au plan local, toujours le collectif Stop TAFTA de la métropole qui relaie donc ici même la campagne nationale, donc par diffusion de tracts, diffusion de la pétition initiative Stop CETA. On a prévu une version papier, je crois. Et interpellation des candidats de nos circonscriptions. Et enfin, ce samedi 20 mai, donc Jean Gadret l'avait signalé aussi, il y a la marche contre Monsanto, plus exactement Bayer maintenant. Donc le rendez-vous est à 14h30, Grand Place à Lille. Et aussi, pas de quartier pour les inégalités. Alors c'est un village solitaire qui se tiendra de 14h à 18h, place de la Liberté à Roubaix, à proximité de la station de métro Eurotéléport. C'est à l'initiative de la Maison des Associations et de l'AFEV, et Attaque Roubaix-Tourcoing y participe par la tenue d'un stand. Voilà. Très bien. Et si vous voulez chercher le nom de vos candidats aux élections, je vous conseille un Wikipédia. Vous écrivez simplement Wikipédia élections législatives Nord et vous aurez la quelques vingtaine de circonscriptions dans le Nord. Je ne sais pas s'il y en a autant. Si ? Oui, mais vous aurez les noms de tous les candidats et de tous les partis. C'est maintenant le... Oui, les actualités d'Attaque. Non, le calendrier militant. Donc, comme Jean Cadré l'a dit, j'ai juste rappelé pour le rendez-vous de cet après-midi, la marche Monsanto, que c'est une marche mondiale, hein, que ça, c'est depuis la cinquième année consécutive que ça se passe. C'est contre Monsanto, Bayer et toutes les multinationales de l'empoisonnement. Et donc chaque ville autogère la marche. Et donc bon, c'est un événement vraiment citoyen et militant contre l'agriculture intensive. Voilà. Donc ouais. Juste pour signaler, on vous parle de Bayer parce que Bayer a racheté Monsanto. Oui, tout à fait. Donc autre rendez-vous dans le cadre de la semaine du développement durable, donc en partenariat avec l'association RMP Chouli, projection de l'éveil de la permaculture. Donc ça sera au cinéma associatif L'Univers le dimanche 28 mai à 19h. La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. Conférence sur les sols, donc organisée par Terre de Liens, Nord-Pas-de-Calais. Ce sera le 8 juin à 18h30 à l'Institut supérieur d'agriculture, à l'ISA, rue Norbert Ségard à Lille. Donc le sol convoité, sol protégé, comment les protéger? C'est la question qui sera posée à Claire Chenu, professeure en sciences à AgroParisTech, et Francis Douet, enseignant-chercheur à l'ISA. Manifestation pour Johnny dans le coma suite à l'intervention de la police dans le Vieux-Lille. Johnny, animateur dans le quartier et dans le quartier du Vieux-Lille, Winston Churchill, est dans le coma après une course-poursuite en moto. Violence policière ou accident. L'affaire est trouble. La famille veut la vérité. Rendez-vous le samedi 27 mai à 14h30 au 18 Paul Ramadier à Lille. Le mercredi 31 mai à 20h au cinéma Le Méliès, Triolo, projection du film La cigale, le corbeau et les poulets, suivi d'un débat avec le réalisateur Olivier Azam. C'est l'histoire invraisemblable d'une farce juridique qui aura inquiété jusqu'à l'Élysée et fait débouler l'élite de la police antiterroriste dans un petit village de l'Hérault où une bande de villageois au gabarit plutôt Obélix qu'Astérix résiste. Ces drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie, ce n'est pas comme les piles, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. La fable de la France d'aujourd'hui. Un film de Olivier Azam, réalisé avec la complicité de Laurent Guillot, produit et distribué par les Mutins de Pangée. Enzo Traverso, historien, spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle du XXe siècle, viendra parler de son ouvrage « Mélancolie de gauche, la force d'une tradition cachée ». Il enseigne actuellement Cornell University à New York. Ça sera le jeudi 15 juin à 19h à la librairie Les Quatre Chemins, 142 rue de Paris à Lille. Donc soirée organisée par la société Louise Michel. Quand on veut, on peut. Pour en finir avec la méritocratie, c'est une conférence gesticulée de Lola Guillot au cinéma L'Univers le jeudi 1er juin à 20h30. L'ascension sociale et le succès s'obtient-il réellement par le mérite? Le système scolaire méritocratique permet-il une vraiment égalité des chances, une véritable égalité des chances? Un tel système est-il compatible avec l'idéal démocratique défendu dans notre société? Voilà. Petit mot pour la fin. Oui, je rappelle que aux auditeurs que vous pouvez retrouver toutes nos émissions des quatre dernières saisons. Sur Angle Datacotech, et vous trouvez Angle Datacotech sur le blog d'Attaque Lille. Attaque Lille, c'est overblog. Donc Attaque Lille.over-blog. Vous avez les émissions des quatre dernières années. Maintenant, il vous reste à souhaiter une bonne marche contre Monsanto cet après-midi. Je pense que c'est quand même utile d'y être, de présent. Et Bayer. Voilà. Une autre façon plus utile d'être en marche. Voilà. Merci. Louis, dans cette petite remarque, bien, il nous reste à vous souhaiter un bon week-end et à la prochaine émission, qu'on n'a pas encore programmée d'ailleurs, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite en buvant une bière. Buon weekend a tous. Oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Il passere, con la visiere. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tu ne passes le, dans la lisière, toi donc tout autour de toi. Dans la lisière, il y a des filles, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, dans la lisière, il y a des filles, autour, autant de toi. Tu te lèves, il y a des filles, oh bella ciao. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, oh ma.